Don Salus revient alors avec l'argent promis par lui, et Don César est finalement ravi de l'aubaine. Mais Don Salus ordonne à trois alguazils, trois policiers, de suivre Don César, de le capturer et de le vendre à des corsaires d'Afrique. Ensuite, ayant remarqué des ressemblances physiques entre Don César et Rublas, Don Salus ordonne à Rublas de quitter son habit de laquais et lui dicte deux billets. Voici le premier billet qu'écrit Ruy Blas. Là, je dicte, un danger terrible est sur ma tête. Ma reine seule peut conjurer la tempête en venant me trouver ce soir dans ma maison. Sinon, je suis perdu. Ma vie et ma raison et mon cœur, je mets tout à ses pieds que je baise. Ajoutez, par la porte au bas de l'avenue, vous entrerez la nuit sans être reconnu. Quelqu'un de dévoué vous ouvrira. Don Salluste ordonne alors à Ruy Blas de signer ce premier billet César, prétendant que c'est son nom d'aventure.